pour la suite de l'aspect française, eh bien c'est tout simplement un groupe qui a bénéficié d'un focus la semaine passée, Corrupteur, ce groupe de Death Old School, bien rouleau compresseur et bien caverneux, Descent into Madness, premier effort studio pour Corrupteurs, hein, on en a parlé, c'est ce petit duo qui nous sort un album de confinement, on va dire, et hautement qualitatif. Et dans la foulée, Oaks and Bones, ce groupe de speedpunk un peu hardcore, Time of Reckoning, ils sortent là leur nouvelle EP. Blue Devils, c'est le titre de Oaks and Bones, et juste avant ça, Corrupteur avec le morceau Home for the Dead, c'est parti. We'll be right back. Pour la suite de l'aspect française, Dysmorphectomy, le one man band mené par Anthony, que l'on retrouve également sous son propre nom, mais dans un autre projet qui s'appelle Visceral Uprooting et Cryogenical Excision. Tout ça, c'est du slam et ça nous vient de Rennes. Dysmorphectomy, une nouvelle sortie studio, The Light Hateful Bastards. On s'écoutera le titre Fetal Necklace. C'est grâce à des goulines, c'est baveux, c'est puissant, c'est parfait. Et dans la foulée, Burning Deads, sorte de thrash death français généreusement inspiré par le power metal américain, tout ce qui est modern metal à la sauce Lamb of God et autres Machine Head, emmené par une vocaliste, qu'est-ce qu'elle a faim de haine et de violence dans le chant. Fear and Devastation, ça porte très bien son nom, c'est leur nouvel effort studio, une sortie MEO Music, et on s'écouterait le titre They're Coming. We'll be right back. on attaque la doublette qui va cette fois nous faire sortir de l'aspect française avec tout d'abord la seule nouveauté de la diff hexagonale, Alta Rossa. C'est une toute récente formation qui a vu le jour du côté de Besançon en 2020, formée par des membres de Orch ou autres Aside from a Day. Premier album qui est aussi entre post-hardcore, post-metal et tout simplement élément sludge. Un album assez court, 7 titres pour 30 minutes, par rapport au style pratiqué, ça fait un peu court forcément. Un contenu sombre, lourd, oppressant. Et si on rajoutait un peu de profondeur, on serait clairement d'inspiration Cult of Luna. Donc voilà, pour le moment, Alta Rossa, une première réussite pour ce premier album studio. Void of an Era, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Une sortie sur Saturn Records, on s'écoutera le morceau Cycle. Et en doublette avec Alta Rossa, Vorga, la formation black venue d'Allemagne, qui nous sort là son premier album studio. On est sur un black atmo assez intense. Le groupe a bénéficié d'un focus également la semaine dernière. On est sur quelque chose de pas cosmic black dans la musique, mais dans les ambiances, avec un espèce de croisement avec le black mellow suédois. C'est très bien foutu, Vorga, comme ça a été résumé la semaine dernière par Thibaut. On s'écoutera le titre Stars My Destination, extrait de leur album studio Striving Toward Oblivion. C'est parti. We'll be right back. ceux qui le savent, ceux qui nous écoutent régulièrement et qui nous connaissent bien, savent que l'on s'approche de la fin de l'émission. Il nous reste encore 3 doublettes avant de se dire au revoir. Et c'est là où on commence à attaquer vraiment les méandres et vraiment l'underground de la diff de l'émission. Et c'est là où on trouve des petites pépites à l'image de ce Venator, une toute récente formation. C'est du revival, ça nous vient d'Autriche, c'est actif depuis 2016. C'est ultra old school, ça dégouline les années 80 jusque dans la pochette. C'est fait dans le vieux, mais ça reste très très bien foutu. Et puis il y a une fougue et une inspiration absolument parfaite. Donc voilà, ça s'écoute tout seul et avec grand plaisir, Venator. Et on reste dans ce coin-là de l'Europe avec ensuite Delskult, un groupe qui nous vient de Suisse, actif depuis 2010. Ils sortent là seulement leur second album studio. À noter que dedans on retrouvait un ex-membre de Bolzer, ce qui explique un peu la distance entre les deux albums, 6 ans. Et en termes de death, on est sur les inspirations françaises qu'on peut trouver chez Venefiction ou Necrowretch. Voilà donc pour la doublette suivante, Venator, Echoes from the Gutter, on s'écoutera le titre Manic Man, Death Cult, ensuite Of Soul Unearthed, et on s'écoutera le titre Funeral Trance. Et c'est parti immédiatement. continue à gratter dans l'underground et le qualitatif avec Schizophrenia, un groupe de thrash death qui nous vient de Belgique. Ils sortent là leur premier album studio longue durée. On est sur du thrash assez frontal et death old school à la croisée d'un Demolition Hammer et des vieux Sodom et même Sepultura. Forcément, quand on s'appelle Schizophrenia et qu'on évolue dans ce style-là musical, c'est pas dans le genre ultra débile, bas du front répétitif, au contraire, c'est vachement travaillé et c'est terriblement efficace. A noter que le type derrière le kit de batterie est également connu dans Butcher et Skeletal, voilà, excusez du peu en termes de qualité. Et en doublette avec Schizophrenia, Sanhedrin, histoire de respirer un petit coup. Trio américain de Heavy, emmené par une chanteuse bassiste, ils sortent là leur troisième album studio. À peu près 7 ans d'activité, le précédent album que l'on avait diffusé était sorti chez Cruz del Sur Music, et à ma foi cet album était suffisamment intéressant et qualitatif pour qu'ils attirent l'attention de Metal Blade, puisque ce nouvel album sort chez eux. Un heavy old school d'inspiration américaine, un petit peu doom, et ça rock bien comme il faut au niveau des tempos. Donc voilà, c'est ultra classique dans la recette, et c'est surtout terriblement efficace dans la réalisation. Schizophrenia Cranial Disintegration, voilà, on l'a dit, on peut pas faire plus efficace. Recollections of the Insane, c'est le nom de l'album. Sanhedrin, ensuite, une sortie prévue le 4 mars chez Metal Blade, Lights On, et on s'écoutera le titre Correction. Yeah. Et voilà, c'est déjà l'heure de la dernière doublette pour l'émission Hellbanger de ce soir. On va donc se quitter avec tout d'abord un titre de Cryptospital, One Man Band Black Metal venu du Belarus, hein, une fin d'émission tout en violence. Il sort là son troisième album studio, du Black Atmo assez frontal et à la fois grandiloquent. C'est intéressant et très créatif la musique de Cryptospital. Et par contre, il n'y a aucune créativité, mais il n'y a que de l'intérêt sur la clôture de l'émission. Pestilectomy, groupe de slam brutal death à la croisée entre l'Allemagne et les États-Unis. Voilà, c'est le premier album From Venerable to Funeral, une sortie Larity Fed Records. Et le titre de ce soir est en feat avec l'inénarrable Angel Ochoa de notamment Céphalotripsy, que l'on a retrouvé pas mal ces dernières semaines sur différents feats. Intravenous Napalm Administration et juste avant ça Cryptospital, The Einswurst am Landschaft, extrait de l'album The Epitome of Dystopia. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain. Ciao ciao.